Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On parlait d'assemblage requis, ben c'est justement le moment d'un instant classique. Ouh. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 31 octobre 2011. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On parle de thé de cuisine avec Xavier. Et les actualités sportives de Nicolas Ducharme. Ça a pas l'air de bonne apparence à date, mais à la fin de l'émission, on lit du tout. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 31 octobre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Tu parles plus grave que ça. Tout le long de l'émission? Oui. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Oui, nous sommes les sanguinaires assemblage. Les seuls survivants. Oh! Ici, à Trois-Rivières. J'aime ça. Hey, moi, j'ai un costume. Vas-y. C'est vrai? Je te le sors dans l'arrière, je l'ai caché. OK. C'est mon beau chapeau de Noël. Regarde ça. Mon beau chapeau. Avec un spring. Regarde ça, il y a un spring. Écœurant. Hey, c'était pas rien, ça. Je sais bien. C'est un beau petit chat, là. C'est des chats noirs. Ils se font triper. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, assemblage requis. Tu vois, ça, c'est une voix grave. Ouais, assemblage requis. Lui, c'est une voix grave. Nous autres, c'est pas une voix grave, on l'a pas. Non. Ouais, on est vraiment pas épargnés. On était épeurés un peu, non? Je sais pas. Non. Ouais, non. Peut-être. Moi, tu me fais pas peur, puis je me fais pas peur moi-même. Non. C'est ça. Mais il ne sera jamais tiré. On n'est pas sur le beat pantoute, hein? Ben, c'est pas super. Ouais. Je veux pire que ça. Ouais. C'est à cette émission aussi, tu veux dire? Non, dans les karaokés. Ah oui? Ouais. Ah oui. Oh oui. J'irai où tu iras. C'est quoi ça, donc? Céline Dion, puis chaud. T'es beau, t'es tabernacle. Bon. Ça va faire. Oui, on était peurés. Ce sera pas poison ce que tu me fais manger aujourd'hui? Non, y a aucune chance, j'aime pas empoisonner les gens. À ce qui paraît, c'est mal de tuer les gens. À ce qui paraît, ça. J'ai vu ma cour. Je sais pas. Ouais. À chaque fois que j'ai essayé, on m'a dit non, je te conseille pas. Ok. Tu tapes sur les doigts, tu finis par apprendre. Hein. C'est ça. T'as tué quelqu'un encore, tape. Non, méchant Xavier. Descends du divan. Là, c'était bizarre. Oh, un peu, hein. Très. J'aime bien ça. Ben oui, je savais que t'aimerais ça, c'est pour ça que je t'en ai fait jouer. Ouais. Je suis fin, hein. Mais oui. Tu me le dis jamais. Tu me dis jamais que je suis fin. Je ne dis plus jamais de compliments. C'est fatiguant, les filles. Dans le sens que tu veux faire un test. Vas-y, donc. Est-ce que tu veux qu'on fasse un test de genre, tu lis l'émission à ma place, mettons? OK. OK, on essaie ça. OK. Je recule le thème de quelques secondes. Non, okay. Non. T'arrives, tu t'animes. OK, tu mets ça. Bonjour, moi c'est Mathieu Blanc. J'aime le chiptune. Ah, celui-là l'affaire. Celui-là, mon François. Bravo. Mathieu, il va pas bien aujourd'hui. Ben on oui. Essaie de remonter le moral. Si vous voulez nous appeler, vous faites toujours. Mon rhume n'est pas transmettable par téléphone. Non, c'est ça. Et ceux qui veulent attraper la grippe, bon, en venir en studio. En fait, Mathieu Plante est un donneur. Comment est-ce qu'on pourrait décrire universel. Ça? Universel, oui. C'est très bien. Un peu comme les radios commerciales font, ils mettent une fille qui chante super mal le français parce qu'elle n'est pas du tout francophone, mais ils la font chanter « C'est supposé être en français, ça, puis ils cochent « Francophone ». Franco. Quand on vient de monter, bravo. Pendant 3 secondes dans la chanson, c'est une fille qui chante en français. J'ai ma douche ce matin. Ah, cool. Le temps passe vite dans le le temps passe vite. Et surtout le matin, tu mets ça chaud. Ouais, ben, c'est ça. Moi, des fois, je reste longtemps au dessus du chaud dans la douche. Je te comprends. Moi aussi, des fois, ça m'arrive. Fait que pendant que vous effacez ces images de votre imagination... S'il vous plaît. Désolé pour l'image, mais bon, fallait le remettre une autre fois, hein, parce que l'image n'était pas assez intense pour les gens ce matin. Moi, dis-moi, Mathieu, t'as-tu du poil de dos? Du poil de dos? Non, pas vraiment. Bon, je correcte ça. Au moins, le chou, il se rend. Hey, saviez-vous quelque chose? saviez-vous que les bébés, on est dotés... Ben, les bébés, là. Les bébés, petits bébés. Toi, t'es pas bébé, c'est pas ça que tu veux dire, t'es non, pas bébé. C'est ça. Okay. J'ai une attitude de bébé, mais j'ai pas la taille d'un bébé. Non. Alors, les bébés, Les bébés, saviez-vous qu'ils ont de la graisse brune? Mais là, je parle pas d'un petit poulet avec ses petites cuisses brunes, là. Je parle de bébé, ça a de la graisse brune au niveau du haut du dos, entre les deux épaules. Fait que ça, là, cette graisse brune-là, là, quand on est bébé, là, c'est responsable pour créer de la chaleur, puis ça fond vite, vite, vite, vite, vite. Puis, genre, de la graisse brune, là, supposément, là, que ça va être comme une nouvelle clé pour faire amaigrir les personnes avec un embonpoint. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que, genre, quand on est triste, puis quand il faut se réconforter, on frotte le haut du dos de son ami ou de sa blonde qu'on vient de laisser ou de sa mère qui nous a pognés avec la blonde qu'on venait de laisser. Fait que, non. Pis ça, là, ça sent l'expérience de vie. Mais sérieux, asseyez ça avec un A, là. Asseyez ça chez vous, les enfants, là. Les enfants, les jeunes, à l'écoute, là, sérieusement, là, quand vous allez prendre votre douche, là, mettez-vous dos au jet, là. Puis, vraiment, là, vous allez sentir que quand vous avez froid, la seule place que vous avez besoin d'être réchauffé, c'est le haut du dos, puis tout restant de votre corps, instantanément, a chaud. Épique. C'est vraiment intriguant. En effet. On dirait que ça m'écœure. C'est pas vraiment brun. Mais là, arrête d'imaginer Mathieu, là. Non! Hey! La graisse brune de bébé. Ben, chez Mathieu, c'est encore brun. Je sais pas. Mm-hmm. T'as pas de poils de dos, Todd? Ben non, j'ai pas de poils de dos. Tu m'y as demandé. Hey, ouais. Ça a pas poussé d'être en première seconde. Hey, es-tu désagréable? où est-ce que je suis poilu? Tant qu'à ça, veux-tu être si curieuse? Non, non. Mais moi, j'ai du poil de dos. Ouais. Ça, j'avais pas vraiment besoin de savoir. Je dirais. C'est vraiment pas vrai, plus que ça. C'est pas vrai? Pas vrai. Okay. Bon. Une chance, hein? Oui, une chance. Bon. Non, mais ça aurait pu. Je veux pas manquer de respect envers les filles qui ont des poils dans le dos. Non, mais vraiment j'aurais pas fait l'objet de beaucoup de taquinerie dans mes cours d'éducation physique avec le gilet qui me flotte sur le dos parce que j'ai 3 pouces épais de poils. Et l'eau chaude qui passe pas, comme si tu disais tantôt. L'eau chaude qui passe pas. Elle ne ruisselle pas. Bon. Bon. Tout le temps froid. Dis-tu à cause de quoi qu'on parlait? Ah oui, c'est ça, les instants classiques. C'est ça. Un instant classique où on a entendu la chanson thème d'Assemblage Requis, je pense, 14 fois. Et beaucoup aussi de blagues d'Halloween et de... Oui, je pense que la moitié de la chronique, c'était ça. Hein? C'était chat noir, là, ça on était semi-drôle. C'était comme... pas drôle, haha, c'était plus drôle comme « Ah, je comprends ce que tu voulais faire. » C'était plus ce genre d'humour-là. Moi, je ris à tout. Bon. T'es un public facile, hein? Oui, je suis pas mal facile dans tous les sens du terme. Bon. Hein? On voulait des détails aujourd'hui et nous en voilà garnis et heureux. Ouais, on en voulait? Hein? On en voulait? Ben, tu savais pas, il y a une to-do list là, sur le babillard là, de la radio, puis c'est écrit, là, avoir des détails, là. Aujourd'hui, il faut avoir des Justine. Détails. Et dans ton horoscope, tu disais que... Hey, j'ai un horoscope de 7 sur 10 aujourd'hui. Hein, il y a des notes sur les horoscopes? Ouais, ça, c'est les Gémeaux, les gens, là, les Gémeaux, là, 7 sur 10. Moi? Sauf que, amoureusement, là, ça va pas bien. Oui, je suis Gémeaux. Ça va pas bien, amoureusement? Non, ben, c'est pas que ça va pas bien. C'est quoi, donc? Qu'est-ce que je suis, là? Regarde, il y avait quelque chose... Ah oui! Je vais être susceptible. Bon, tu vas être susceptible. Qui m'attend aujourd'hui. Ouais, je vais être susceptible. Ouais. T'as pas l'air à ça? Ben, je sais pas, là, mais là, t'es pas mon chum, là. Non. Je suis pas en amour en ce moment, là, je suis entre amis. Amicalement, ça va bien. Mais à la job, ça va super bien aller. Oui, d'accord. Mais c'est comme là. Ça va bien. Hey, je suis vraiment content d'avoir partagé ça avec toi. Ouais. Hey, c'est Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est Fou. Hey, on a-tu de la musique dans le backstore, en arrière, en avant, en partout? Faut qu'on fasse le ménage là-dedans. Fait qu'à chaque semaine, je vous en donne 20 en français, 20 en anglais. Puis gratis, ben, je vous donne des nouvelles artistiques puis les meilleurs moments d'assemblage requis. Est-ce pas un deal, ça? Les palmarès, c'est fou. Les jeudis à 14h. En rappel, les vendredis à 17h. Je suis crazy, crazy, crazy!